30e chapitre, où Mouton révèle son affreux caractère. Rusconi était donc chez moi pour me rendre des services. Dans ces moments-là, il me rendait le service d'expliquer à mes hôtes les mœurs de mes singes. Il va sans dire que Rusconi, fort pudibond de sa nature, gazait le plus qu'il pouvait. Pendant ce temps, j'étais dans mon petit kiosque à verre de couleur, vêtu de mon pantalon à pied de basin et de ma chemise de batiste, travaillant, comme je vous l'ai dit, au bâtard de Mauléon. Et comme je vous l'ai dit encore, tout en travaillant, je regardais Mouton qui déterrait un des dahlias de Michel et non pas un de mes dahlias, parce que je n'ai jamais reconnu le dahlia pour une de mes fleurs. Je ne suis pas même bien sûr que ce soit une fleur. Je nie les fleurs qui n'ont point de parfum. Donc, tout en écrivant, je regardais Mouton qui déterrait un des dahlias de Michel et je me disais « Sois tranquille, toi. Quand je vais avoir fini mon combat, tu auras affaire à moi. » Ce combat que j'étais en train d'écrire, c'était le combat d'un chien contre un mort. Et pour le chien, comme on a vu, c'était Mouton qui avait posé. Au reste, voici textuellement ce que j'écrivais. Mais à peine eurent-ils fait 50 pas qu'une forme blanche et immobile se dessina dans l'obscurité. Le grand maître, ignorant ce que ce pouvait être, marcha droit à l'espèce de fantôme. C'était une seconde sentinelle enveloppée d'un caban qui abaissait sa lance en disant en espagnol, mais avec l'accent guttural des Arabes, « On ne passe pas !» Et celui-là demanda donc Frédéric à Fernand, « Qui est-il ?»« Je ne le connais pas, » répondit Fernand. « Ce n'est donc pas toi qui l'as placé ?»« Non, car c'est un mort. » « Laissez-nous passer, dit donc Frédéric en arabe. » Le mort secoua la tête et continua de présenter à la poitrine du grand maître la pointe large et acérée de sa hallebarde. « Que signifie cela ? » s'écria donc Frédéric. « Suis-je donc prisonnier, moi ? Le grand maître ? Moi ? Le prince ? Holà ! Mes gardes ! À moi !» De son côté, Fernand tira un sifflet d'or de sa poche et siffla. C'était, pendant que j'écrivais ce dialogue, que Mouton continuait avec un acharnement progressif de déterrer son dahlia, et que je me disais « Sois tranquille, quand j'aurai fini mon combat, tu auras affaire à moi. » Et avec un geste qui ne promettait rien de bon à Mouton, je poursuivis. Mais avant les gardes, avant même la sentinelle espagnole placée à 50 pas derrière les promeneurs, apparut, rapide et bondissant, le chien de Don Frédéric qui reconnaissait la voix de son maître et comprenant qu'il demandait du secours, accourait tout hérissé et d'un élan de tigre, s'élança sur le mort, l'étreignit si rudement à la gorge à travers les plis de son caban, que le soldat tomba en poussant un cri d'alarme. « Ah ! » fis-je en posant ma plume, « voici mon combat et mon paragraphe fini. Tiens-toi bien, Mouton !» Et je sortis, en effet, sans rien dire à personne, m'avançant tout doucement vers Mouton et m'apprêtant à lui donner le plus rude coup de pied que je pourrais lui allonger avec un escarpin dans la partie qu'il me présentait. Or, la partie qu'il me présentait, c'était la partie postérieure. Je visais du mieux que je pus et lui allongeai le coup de pied promis. Pour avoir porté un peu bas, le coup de pied, à ce qu'il paraît, n'en avait pas été moins douloureux. Mouton fit entendre un grognement sourd, pivota sur lui-même en me regardant avec des yeux sanglants, fit 2 ou 3 pas en arrière et s'élança à ma gorge. Par bonheur, j'avais compris ce qui allait se passer et j'avais eu le temps de me mettre en défense, c'est-à-dire qu'au moment où il s'est lancé sur moi, j'étendais les deux mains vers lui. Une de mes mains, la droite, se trouva dans sa gueule. L'autre, la gauche, rencontra son cou. Alors j'éprouvais une douleur que je ne saurais comparer, car celle que cause une dent qu'on vous arrache. Seulement, la douleur d'une dent arrachée dure une seconde. La douleur que j'éprouvais dura 5 minutes. C'était Mouton qui me broyait la main. Pendant ce temps, je lui serrais le cou. J'avais parfaitement compris une chose, c'est que, le tenant au pharynx, ma seule chance de salut était de serrer toujours et de plus en plus jusqu'à ce que la respiration lui manquât. C'est ce que je faisais. Par bonheur, j'ai la main petite mais solide. Ce qu'elle tient, à part l'argent, elle le tient bien. Elle tint et serra si bien le cou de Mouton que celui-ci commença de râler. C'était un encouragement. Je serrai plus fort. Mouton râla plus haut. Enfin, réunissant toutes mes forces pour une pression suprême, j'eus la satisfaction de sentir que les dents de Mouton commençaient à se desserrer. Une seconde après, sa gueule s'ouvrit, ses yeux roulèrent dans leur orbite, il tomba terrassé sans que je lui lâchasse le cou. Seulement, j'avais la main droite mutilée. Je lui mis le genou sur la tête et j'appelai Alexandre. Alexandre accourut. J'étais ruisselant de sang. Outre ma main mâchurée, l'animal m'avait d'un coup de griffe déchiré la poitrine et le sang coulait par les déchirures. Alexandre, à la première vue, crut que la lutte durait encore au lieu d'être terminée. Il s'élança dans le salon et revint avec un poignard arabe. Mais je l'arrêtai. « Non pas, lui dis-je, je tiens beaucoup à le voir boire et manger pour m'assurer qu'il n'est point enragé, qu'on lui mette sa muselière et qu'on le conduise à l'écurie. » On appela Michel, on mit la muselière à Mouton et seulement alors je lui lâchai le cou. Mouton était évanoui. On le prit par les quatre pattes et on le porta dans l'écurie. Quant à moi, je courus droit au salon. Je sentais que je n'avais que le temps de m'asseoir et de me trouver mal.